2 millions. 2 millions, c'est le nombre d'emplois directs ou indirects du secteur du tourisme en France. Alors nous, au Crédit Agricole, on se mobilise et on propose pour vous, professionnels du tourisme, le prêt garanti par l'État saison basé sur vos 3 meilleurs mois de 2019. Parce que notre rôle, c'est de vous aider à continuer votre activité. Crédit Agricole, agir chaque jour dans votre intérêt et celui de la société. Formidable. Conditions du prêt fixé par la réglementation en vigueur, sous réserve d'études et d'acceptation par votre caisse régionale prêteur. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire We the People, la constitution des États-Unis d'Amérique. Intéressant de regarder ce texte fondamental à la veille des élections aux États-Unis. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Alors qu'il se trouve tranquille à Versailles au moment d'écrire un texte de le roi de France n'hésite pas pour les premiers mots. Nous, roi de France et de Navarre, nous, c'est le nous de majesté. Il hésite d'autant moins que c'est souvent pas lui qui écrit. Mais en 1787, au moment de rédiger la Constitution des États-Unis d'Amérique, les pères fondateurs ont-ils hésité sur ces premiers mots? We the people, nous le peuple des États-Unis en vue de former une union plus parfaite, d'établir la justice, d'assurer la paix intérieure, de pourvoir à la défense commune, de développer la prospérité générale et d'assurer les bienfaits de la liberté à nous-mêmes et à notre postérité, nous ordonnons et établissons la présente constitution pour les États-Unis d'Amérique. Nous, le peuple des États-Unis. Non, ce n'est pas un nous de majesté. Cette fois, le peuple est en majesté. Toute la semaine dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous nous intéressons au mythe fondateur des États-Unis. Mythe au sens de ces éléments historiques relus, réinventés, interprétés et qui font la politique des États-Unis aujourd'hui. Nous avons déjà voyagé à bord du Mayflower, une émission à écouter, podcastée en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr et sur l'application Radio France. Nous allons bientôt nous perdre dans la guerre de sécession et nous retrouver dans un horizon lointain, le Far West. Et aujourd'hui, nous allons lire un texte fondamental, la Constitution des États-Unis. Avec vous, Alice Béja, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en civilisation des États-Unis à Sciences Po Lille. Vous êtes l'autrice d'un ouvrage intitulé « Des mots pour se battre », John Dos Passos, la littérature et la politique. Et puis vous avez participé à un ouvrage, vous avez collaboré, qui s'appelle « Amérique, un S entre parenthèses à Amérique, anarchiste, un S entre parenthèses à anarchiste ». Ce sont des questions qui nous intéressent toujours parce que vous avez étudié Dos Passos, qui nous conduit au XXe siècle. Mais en fait, il y a toujours la Constitution dès que l'on étudie l'histoire des États-Unis avec quelque chose qui nous intrigue, nous Français, qui cumulons les constitutions. La Constitution de la fin du XVIIIe siècle est toujours en application. Il y a une fierté américaine de ce texte, toujours là, présent, presque magnifié, au point que l'on veut cacher le fait qu'il y a eu des changements et des amendements. Oui, il y a une véritable sacralisation de ce texte constitutionnel qui demeure aujourd'hui et qui se manifeste de différentes manières dont nous allons parler. Mais pour dire deux choses rapidement, la première, c'est cette tension entre un texte qui ne fait pas référence à Dieu et son caractère sacré, donc la tension entre le sacré et le profane. Et la deuxième, dont on aura, je pense, l'occasion de beaucoup parler, c'est la tension entre le conflit et le consensus, à savoir que derrière, évidemment, cette célébration du texte constitutionnel comme symbole de l'unité des États-Unis, il y a des conflits extrêmement violents, conflits dont d'ailleurs nous avons eu un exemple cette nuit même avec la nomination de la juge Amy Coney Barrett à la Cour suprême des États-Unis. Oui, effectivement, ce sont deux approches autour de ce texte sacralisé mais qui ne fait pas référence à Dieu. Et pour le décrypter avec nous également, François Vergniaud de Chantal, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université de Paris. Vous êtes l'auteur de « Fédéralisme et antifédéralisme » publié aux Presses universitaires de France, c'est un que sais-je, et d'un ouvrage publié aux éditions du CNRS « L'impossible présidence impériale, le contrôle législatif aux États-Unis ». Nous avons entendu Alice Béja évoquer ce cet équilibre nécessaire à trouver, trouver cette voie entre le conflit et le consensus. François Vergnol de Chantal, peut-être qu'autour de cette notion de constitution, pour expliquer le fait qu'elle soit toujours présente et toujours une référence, il y a cette notion d'équilibre. Oui, alors effectivement, la Constitution américaine a été construite autour de cette idée de faire d'établir des compromis, une série de compromis entre petits États, grands États, États du Sud, États du Nord, entre aussi, et c'est très important, entre les élites de l'époque et la population. Oui. Et le point que j'aimerais mettre en avant dès le départ, c'est que la Constitution qui a été rédigée en 1787, c'est une Constitution qui met en place une république qui s'inscrit dans un horizon classique, du républicanisme classique des XVIIe et des XVIIIe siècles. Et c'est une Constitution qui a, comme vous l'avez dit dans votre introduction, qui a un potentiel émancipateur qui est extrêmement fort, puisque le préambule de cette constitution, hein, et vous l'avez rappelé, commence par « we the people », donc « nous, le peuple », nous ordonnons et nous décrétons la constitution. Donc il s'agit vraiment d'un texte où le peuple est la force motrice, la force agissante. Cela étant, quand je parle de républicanisme classique, cela signifie que cette volonté populaire doit être, pour les pères fondateurs, doit être filtrée, elle doit être raffinée. Et donc, les pères fondateurs mettent en place un système où la volonté populaire est en permanence recadrée, filtrée, par une série d'institutions. Et pour donner quelques exemples concrets, vous avez en fait le cœur de cette constitution qui est représenté par le Congrès et plus précisément par la Chambre des représentants. Donc c'est l'article 1 de la constitution, hein, qui crée un Congrès qui est à la fois très très démocratique, puisque les élections se font tous les deux ans à la Chambre des représentants, et un Congrès qui est très puissant, puisqu'il y a une liste de pouvoirs explicites, et il y a 17 pouvoirs qui sont des pouvoirs majeurs, lever des impôts, déclarer la guerre. Et ce Congrès, donc, qui constitue le noyau décrit dans l'article 1, bien en fait, il est encadré ensuite par toute une série d'institutions qui sont autant de filtres. Et on pourra en reparler sans doute dans le cours de l'émission, mais les articles 2, les articles 3 mettent en place donc différents filtres autour de la volonté populaire, dont nous parlerons plus tard, peut-être. Oui, voilà, il va falloir, de toute façon, décrypter ce texte de la Constitution. Il y a deux approches autour d'un texte. Il y a le contenu même du texte, ces institutions que vous évoquez, François Vergnol de Chantal. Et puis, il y a le mode de mise en place de ce texte, le contexte, la narration autour de la mise en place de la Constitution des États-Unis. Je vous propose d'écouter la manière dont était présentée la naissance de la Constitution dans une œuvre pédagogique issue du ministère de l'Agriculture et de la Pêche, si, en 1956, avec comme commentateur le romancier écrivain, biographe André Mauroy. Le peuple demande conseil à des chefs qui ont sa confiance. Beaucoup d'entre eux ont été des chefs de la Révolution, tel le général Washington, honoré par les Américains plus que tout autre, et qui est nommé président de la Convention. Il rappelle aux délégués la nécessité de s'unir pour résoudre leurs problèmes communs. Il faut payer les dettes de guerre, créer une armée efficace pour la défense nationale et encourager le commerce. Les droits, la vie et la propriété des individus doivent être protégés. Le gouvernement national qu'ils vont créer devra remplir ses fonctions. Dans une conférence finale à huis clos, les buts élevés de la Convention sont réaffirmés. Le bon sens s'unit à la sagesse théorique. On se met d'accord pour donner au nouveau gouvernement national des pouvoirs importants, mais soigneusement définis et limités. Enfin, le travail est terminé. Nous, les peuples des États-Unis, afin de former une union plus parfaite, d'établir la justice, d'assurer la tranquillité domestique et la défense commune, de faciliter le bien-être de tous et d'assurer les bienfaits de la liberté à nous-mêmes et à notre postérité, nous décrétons et établissons pour les États-Unis d'Amérique cette Constitution. Il y a quelque chose d'épique quand André Mauroy présente la naissance de la Constitution des États-Unis en 1787, une Constitution dont il faut rappeler le contexte de rédaction, Constitution, loi fondamentale, un texte en soi, un texte mais issu de toute une réflexion. Alice Béja, ce texte ne paraît pas comme ça, soudain, de la part de quelques hommes qui se seraient réunis. Il est le fruit d'une longue réflexion, réflexion sur une organisation sociale. En quoi cette Constitution montre l'organisation des États-Unis, de ces 13 colonies britanniques qui ont lutté pour leur indépendance et qui maintenant cherchent une voie d'organisation à travers un texte, la Constitution? Le texte est, le résultat, comme vous le dites, de réflexion, c'est aussi le résultat de constats de manque, c'est-à-dire de constats de ce que les articles de la Confédération, qui était ce qui régissait le fonctionnement des États-Unis auparavant, ne permettaient pas de faire, et notamment de lever l'impôt. Et c'est au départ pour réformer ces articles de la Confédération que la Convention de Philadelphie est mise en place. Et c'est au cours de cette convention qu'en fait on va en arriver à un texte nouveau, à une nouvelle constitution qui fait très très largement débat, notamment sur la question des pouvoirs de l'exécutif. Je voudrais juste commenter brièvement dans ce qu'a dit André Mauroy la traduction de tout début de la Constitution, puisque vous avez dit au début de l'émission « nous, le peuple » et lui dit « nous, les peuples », ce qui est intéressant puisque on voit bien dans cette traduction l'idée de pluralité, hein, donc de la manière dont ces 13 colonies doivent s'harmoniser en un tout pour réussir à prendre des décisions, à véritablement créer une nation. Mais bien évidemment, il y a aussi dans cette question de ce qu'est ce peuple qu'instaure la Constitution, qui en fait partie et notamment qui en est exclu. Et François Verniolle de Chantal parlait tout à l'heure de la Constitution comme un texte de compromis. Et bien entendu, le compromis essentiel de cette Constitution est celui qui se fait autour de l'esclavage et le fait que pour rallier les États du Sud, la Constitution va préserver le système esclavagiste sur lequel se fondent véritablement les États-Unis. Vous avez utilisé, Alice Béja, cette expression, hein, créer une nation. Et nous avons là quelque chose qui est essentiel dans cette volonté de mettre en place un texte, cette Constitution. C'est-à-dire qu'il y a comme une urgence ou un constat de nécessité de mettre en place un texte, sinon la vision de créer une nation d'Amérique ne peut pas tenir. Nous sommes à la fin du XVIIIe siècle, les Américains insurgés contre les Britanniques ont obtenu leur indépendance par les combats. Il n'est pas évident qu'un pays naisse à ce moment-là. Non, c'est une nation extrêmement fragile qui est dans cette phase de naissance, et c'est donc pour lui donner une assise qu'un certain bon nombre des membres de la Convention de Philadelphie et notamment James Madison vont décider des contours de ce texte constitutionnel. Et je reviens, donc François Verniolle de Chantal disait tout à l'heure que, bien entendu, dans la Constitution, le Congrès est le pouvoir principal, hein. On peut avoir du mal aujourd'hui à percevoir cela parce que la présidence a pris une place extrêmement importante dans l'histoire des États-Unis, mais c'était vraiment le Congrès qui était au cœur de la réflexion constitutionnelle. C'est néanmoins la question de l'exécutif qui a aussi énormément fait débat, puisque là aussi, on sort d'une guerre d'indépendance contre une monarchie, contre la monarchie britannique, et donc il y a bien évidemment la crainte de créer un exécutif trop puissant qui en viendrait en fait à avoir un monarque élu qui recréerait en fait toutes les difficultés contre lesquelles les Américains se sont battus pendant la guerre d'indépendance. Oui, la déclaration d'indépendance en 1776 ne signifie pas que les États-Unis existent. D'ailleurs, il faut plus de 10 ans pour mettre en place une constitution. François Verniolle de Chantal, ce moment de la guerre contre l'Angleterre, contre celui qui a la main sur ces territoires, ces 13 colonies, donc le roi d'Angleterre, est un moment décisif pour comprendre aussi comment est rédigée la constitution. institutions. Il y a vraiment une volonté de s'affranchir du pouvoir autoritaire. J'insiste sur ce point parce que qu'il s'agisse d'un État fédéral ou d'un État centralisé, il y a toujours cette question de la peur d'un pouvoir autoritaire, d'un pouvoir qui serait autoritaire à Washington pour remplacer un pouvoir qui serait autoritaire à Londres. Et le texte de la Constitution cherche sans cesse à s'affranchir de cette peur. Oui, c'est exactement ça. Et j'aimerais en fait préciser le contexte immédiat de la rédaction de cette constitution. Donc, les années 1780, les États-Unis sont indépendants officiellement en 1783, et pendant donc quelques années, les 13 nouveaux États vont se doter de constitutions républicaines, d'un républicanisme très égalitaire, voire très égalitariste, justement, hein, pour s'éloigner du modèle monarchiste dont vous parliez. Les gouverneurs dans ces États sont très faibles, à l'exception peut-être du gouverneur de New York. Et donc ces États très rapidement vont être dans l'incapacité de gérer les problèmes économiques et sociaux qui sont gravissimes au sortir de la guerre d'indépendance. Et en particulier, il va y avoir une inflation galopante. Qui va conduire à des révoltes, la plus connue étant une révolte de l'hiver 86-87, qui est le catalyseur en fait de la rédaction de la Constitution à Philadelphie. Parce qu'en effet, les élites nationales sont effrayées par cette instabilité qui croît tout au long des années 1780. Et les élites donc se regroupent dans un mouvement qui s'appelle un mouvement fédéraliste, afin de créer un nouveau régime politique, donc une fédération opposée à la confédération dont nous parlions au début, qui était très très décentralisée. Donc la fédération doit être plus concentrée, plus organisée. Et ces fédéralistes se présentent d'abord et avant tout comme des modernisateurs. Ils veulent, comme je l'ai dit, définir un républicanisme pour la nouvelle nation, mais un républicanisme qui fonctionne, un républicanisme qui marche. Et donc vraiment, ils essayent de mettre l'accent sur la stabilité d'institutions républicaines. Et c'est un message qui, alors, rétrospectivement, est à la base du discours nationaliste américain. Alice Béja en parlait au début, mais à l'époque, c'est un discours qui a été extraordinairement critiqué par leurs opposants, les antifédéralistes, qui soulignaient justement que ces fédéralistes qui se présentent comme des modernisateurs, ce sont en fait des gens qui veulent rétablir un pouvoir stable au bénéfice des élites et qui ont l'audace de créer, c'est l'article 2, un président des États-Unis, qui va être l'abcès, le point de fixation des débats de ratification, puisque les antifédéralistes y voient un monarque en puissance. Les antifédéralistes voient également dans le Sénat une aristocratie en puissance, ou bien dans la Cour suprême, une autre aristocratie. Bien. Donc le débat de 87-88 est un débat qui est extrêmement tendu, extrêmement polarisé, bien loin du mythe actuel nationaliste autour du consensus de toute la nation en faveur de la Constitution. Oui, voilà, parce que nous avons ici, mais c'est la démarche de l'historien ou de tous ceux qui s'intéressent à un sujet, de contextualiser et de se dire que dans ces années 1787-88, il y a un modèle. Ce modèle, c'est le modèle britannique qui fait peur, qui est rejeté. Il ne faut pas de pouvoir fort. Et toute une réflexion issue de pensée, nous sommes au XVIIIe siècle, il y a celle de Lumière, car il y a un acteur que nous n'avons pas évoqué, mais l'acteur, c'est la France. Oui, l'intervention française en Amérique montre ce lien étroit qu'il y a entre les insurgés d'Amérique et la France. Je vous propose un extrait du film Beaumarchais l'insolent d'Edouard Molinaro, un film de 1996. Oui, il faut convaincre le roi de France, en l'occurrence Louis XVI, d'aider les insurgés d'Amérique. Le roi, monsieur de Beaumarchais, vous m'avez obligé à écrire au roi Georges qui n'est pas précisément notre ami. Quelle mouche vous a piqué ? Le service du roi, sire. Et pourquoi ce contact avec les rebelles américains ? Notre défunt roi s'intéressait beaucoup à la guerre d'indépendance des colonies anglaises. Votre aïeul s'est toujours beaucoup méfié des Anglais, sire. D'où ce plan d'invasion. Un projet dangereux et ruineux. Sire, la victoire des Anglais signifierait la perte de nos possessions d'outre-mer et le renforcement de la puissance britannique. Ce qui serait autrement ruineux. Il nous faut tout faire pour l'empêcher. Pourquoi faites-vous tout cela? Pour la France d'abord et puis aussi parce que je suis en train de traduire un texte inoubliable. Quel texte? La déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique. Et que dit ce texte? Il parle du peuple et de son droit le plus sacré. Quel est ce droit? Le droit au bonheur, sire. Le droit au bonheur dans la déclaration d'indépendance des États-Unis, donc en 1776. Et c'est une chose à retenir de cet extrait de Beaumarchais l'insolent d'Edouard Molinaro. Et puis l'autre chose, c'est qu'il faut toujours se méfier des Anglais, l'ennemi héréditaire de la France. Avec cette réflexion autour de la philosophie des Lumières qui inspire tous ceux qui réfléchissent, ceux qu'on appelle les pères fondateurs, à la rédaction d'une constitution. Alice Béja, comment se passent ces débats autour de la constitution? Nous sommes avec une population éloignée d'Europe, géographiquement, mais en fait très proche de toutes ces réflexions qu'il y a en Europe sur comment organiser un pays pour le bonheur du peuple. Écoutez, je pense que je vais laisser François Vergniaud de Chantal répondre sur cette question, ce qui sera plus à même que moi de le faire. Je voulais simplement mentionner le fait que, comment dire, dans cette mythologie de la Fondation, il y a effectivement le rapport à l'Europe qui est fondamental. Et comme le disait François Vergniaud de Chantal tout à l'heure, toute la question du rapport à l'Angleterre et du rapport à la France, qui va ensuite, bien entendu, perdurer dans les années suivant la ratification de la Constitution et dans les accusations récurrentes d'inféodation à l'Angleterre qui vont être faites aux fédéralistes. Voilà, et puis donc François Vergniaud de Chantal, autour de cette réflexion sur les inspirations intellectuelles venues d'Europe au moment de la rédaction de la Constitution des États-Unis. Oui, alors effectivement, les pères fondateurs sont extrêmement familiers de la littérature européenne, philosophique, des Lumières. Ils sont imprégnés des Lumières européennes. Et on n'a pas encore parlé pour l'instant d'un texte autour de la Constitution qui est le Federalist Papers. C'est un ensemble de textes qui a été rédigé par trois des principaux pères fondateurs aux États-Unis et qui défendait le projet de constitution pendant le débat de ratification. Donc il y a plusieurs dizaines de textes. Et ces textes sont donc une réflexion sur le contenu, une exposition également des principes. Et James Madison, qui est un peu l'intellectuel derrière la Constitution américaine, a rédigé plusieurs de ses papiers, et il parle notamment de Montesquieu comme étant sa principale source de réflexion. Il parle de Montesquieu comme étant un véritable oracle pour les questions politiques. Et c'est vrai que les pères fondateurs ont repris énormément de choses de Montesquieu, en particulier ce qu'on a appelé, avec la Constitution américaine, le principe des checks and balances, le principe des poids et des contrepoids. Donc dans cette perspective, chacune des institutions est en mesure, en fait, de bloquer le fonctionnement des deux autres. Et c'est ça les checks dont nous parle Madison. Par exemple, le président peut mettre son veto à un projet de loi qui provient du Congrès. Et ces différents checks, additionnés les uns aux autres, aboutissent à préserver l'équilibre entre les institutions. Donc vous voyez, dans cette expression de checks and balances, elle est très ramassée, mais elle est très substantielle, puisque checks, ce sont les moyens pour atteindre l'objectif, l'équilibre entre les institutions. We the People, la constitution des États-Unis d'Amérique dans le cours de l'histoire sur France Culture. Ce texte qui nous intéresse aujourd'hui avec François Vergnol de Chantal et Alice Béja, et ces mots qui reviennent sans cesse, mais celui d'équilibre, d'opposition, conflit et consensus, de fédéralisme et d'antifédéralisme. Il y a un jeu continu dans ce vocabulaire. Il faut de l'équilibre. Alice Béja, cela explique le succès de la constitution, le fait qu'elle demeure pérenne pendant tant et tant d'années, 1787, la rédaction de cette constitution. Disons qu'elle peut être souple et adaptable à plusieurs contextes. Oui, c'est bien évidemment l'un des facteurs qui explique sa longévité. La constitution des États-Unis est très courte, elle est vraiment très brève. Alors, selon les interprétations, on peut dire qu'elle est souple et adaptable, ou bien vague et pleine d'incertitudes, dans lesquelles, bien évidemment, la jurisprudence peut s'intercaler. Mais c'est effectivement cette souplesse, cette relative simplicité qui peut expliquer le fait que on a, donc c'est la caractéristique de ce texte constitutionnel qui est le même depuis la fondation du pays, depuis la ratification de cette constitution, avec bien évidemment des amendements qui ont été ajoutés au fil de l'histoire. Mais ce que l'on voit, il y a encore une fois une tension entre la brièveté de ce texte constitutionnel, y compris avec ses amendements, et bien évidemment, et on va en parler, l'épaisseur de la pratique juridique qui s'est accumulée au fil du temps à travers notamment les arrêts de la Cour suprême, mais pas uniquement, et qui ont fait donc de cette constitution un texte vivant et évolutif qui s'adapte, ou en tout cas que l'on interprète selon l'évolution de la société. Et ce qui est intéressant aussi dans ce mythe des textes fondateurs, il ne s'agit pas là de la réalité historique de leur rédaction, c'est la manière dont la Déclaration d'indépendance et la Constitution vont progressivement devenir effectivement une forme de socle identitaire aussi pour les États-Unis. Et donc entre guillemets, cette pratique constitutionnelle ressort à la fois d'une pratique sociale et d'un récit transcendant, pour reprendre les mots d'Antoine Garapon. Donc on a un texte qui est à la fois, qui régit un système politique, bien entendu, mais également un texte qui devient un socle d'identification dans la construction d'une identité nationale. Et cette identité nationale transparaît plus que jamais lors des élections, c'est ce que nous vivons en ce moment aux États-Unis. Et justement, au moment de préparer cette émission sur la constitution des États-Unis, nous nous sommes réunis avec toute l'équipe du cours de l'histoire, Marion Dupont, Toscane Viudès, Odile Jouessel, Valentine Lovrins, une émission réalisée par Eric Lancien avec aujourd'hui à la technique Olivier Arnay. Et soudain, Maïwenn Guizhou a dit « Puisque la constitution des États-Unis est née aux États-Unis, j'exige, et alors on ne peut pas dire non à Maïwenn, que nous écoutions Bruce Springsteen, Born in the USA ». France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Yeah! Bruce Springsteen, Born in the USA, dans le cours de l'histoire sur France Culture, le cours de l'histoire qui s'intéresse aujourd'hui à la Constitution des États-Unis. Mais au-delà du moment de la rédaction du texte en 1787, la Constitution a une vie. Et cette Constitution ne peut se comprendre, à travers les siècles maintenant qui nous séparent de sa rédaction, du rapport qu'entretient le pouvoir à la Cour suprême, le pouvoir présidentiel, le pouvoir législatif et donc le pouvoir judiciaire. François Vergniaud de Chantal, cette interprétation de la Constitution par la Cour suprême est fondamentale pour comprendre le texte lui-même. Alors, oui, en effet, mais avant de répondre à cette question, j'aimerais revenir sur ce qu'a dit Alice Béja à l'instant, avant la parenthèse Bruce Springsteen, sur la flexibilité de la Constitution. Bon, je suis en fait tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Alice Béja, effectivement, une Constitution courte qui a permis beaucoup d'évolutions. On sait notamment que la Cour suprême c'est mis en avant dans les institutions assez tôt, en 1803, précisément parce que son pouvoir n'était pas véritablement délimité dans le texte originel. Mais j'aimerais quand même apporter une petite nuance sur la flexibilité de la Constitution en rappelant qu'il y a eu quand même une guerre civile qui résulte justement des blocages constitutionnels. Donc le bilan sur la flexibilité des institutions américaine doit quand même être relativisée. Les institutions américaines ont eu des débuts relativement difficiles et tout à fait sanglants, puisque la guerre de sécession est le conflit qui a coûté le plus en vie américaine. Et d'ailleurs, à l'issue de cette guerre de sécession, un nouvel amendement a été adopté en 1868, le 14e amendement, qui est à lui seul, et on en reparlera peut-être, une nouvelle constitution pour le pays. Je reviens maintenant à la question que vous m'avez posée sur la Cour suprême. Alors effectivement, la Cour suprême est l'arbitre ultime dans l'interprétation des dispositions constitutionnelles. Et comme je le disais à l'instant, c'est en 1803 que la Cour suprême a créé, de sa propre initiative, le pouvoir moderne de contrôle de constitutionnalité, donc judicial review, qui n'apparaissait qu'en pointillé, si vous voulez, en 1787. Et par la décision Marbury v. Madison de 1803, le Chief Justice de l'époque, donc John Marshall, crée ce pouvoir de judicial review. Un pouvoir que la Cour suprême n'a pas hésité à mettre en œuvre tout au long de son histoire, et cette mise en œuvre de l'interprétation de la Constitution, il faut bien voir qu'elle est très souvent politisée et idéologisée, même si les juges, et on le voit encore actuellement avec la nomination de Amy Barrett, disent que ce n'est absolument pas le cas et qu'ils ont toute leur indépendance. Il y a dans l'histoire de la Cour suprême des moments politiques qui sont des moments conservateurs ou des moments progressistes. Alice Béja, en écho à ce que vient de dire François Vergniaud de Chantal, en effet, la Constitution n'empêche pas une guerre civile. Malgré tout, la Constitution demeure. En France, on en aurait fait une tout de suite après pour changer. Alors, c'est sans doute parce que le Nord a gagné, peut-être. On peut discuter de cette Amérique divisée et de l'importance de ce texte fondateur pour une Amérique qui est appelée, et nous le voyons dans l'histoire, nous le voyons dans l'actualité, à se déchirer facilement parce que les tensions sont vives aux États-Unis. Ces références communes sont nécessaires pour le fonctionnement institutionnel, mais même le fonctionnement de la société des États-Unis. Ces références sont nécessaires, pour créer un ciment national dont on sent bien, enfin pour maintenir ce ciment national dont on sent bien aujourd'hui à quel point il est difficile à maintenir. Et ce moment de la fondation, en vérité, même si, bien entendu, hein, d'un point de vue historique, il a été remis en cause à de multiples reprises, hein, les critiques de la Constitution n'ont jamais manqué. Je citerai simplement au tout début du XXe siècle Charles Beard, qui dans An Economic Interpretation, enfin il écrit un livre qui s'appelle Une interprétation économique de la Constitution des États-Unis, dans lequel il montre que la Constitution est en réalité un document visant à préserver les avantages de l'élite qui l'a rédigé. Les avantages notamment économiques. Donc les critiques n'ont jamais manqué, mais il y a cette mythologie de l'unité qui perdure, qui est réactivée dans, bien entendu, hein, dans les discours politiques. A More Perfect Union, une union plus parfaite, c'était le titre du discours de 2008 de Barack Obama sur les questions raciales. Donc évidemment, les discours politiques réactivent cette mythologie. Les productions culturelles ont également un rôle très important dans la réactivation périodique de cette mythologie de la fondation. Et je citerai simplement sans doute le plus grand succès de Broadway des 5-6 dernières années, qui est la comédie musicale Hamilton de Lin-Manuel Miranda, et qui est donc une comédie musicale sur le père fondateur, Alexandre Hamilton, dont nous avons un peu parlé, qui était dans le camp des fédéralistes et tenant d'un pouvoir exécutif fort, et que l'on voit dans cette comédie musicale qui associe le rap, le R&B, la pop, etc., qui est remis en avant comme un immigrant issu d'origine modeste, voulant réussir dans cette nouvelle nation des États-Unis. Donc on voit bien comment les productions culturelles contribuent également à cette importance sociale, hein, de ces textes fondateurs, que ce soit là au sens large, hein, la Constitution, la Déclaration d'indépendance, ou disons ce moment de la fondation de la fin du 18e. Et dans les débats politiques, nous sentons que brandir ce mot Constitution a un poids très fort. Exemple sur Euronews le 5 décembre 2019, quand il est question de Donald Trump menacé de destitution. Une nouvelle étape dans la procédure de destitution du président des États-Unis, le débat juridique au sein de la commission judiciaire. Pendant 8 heures, 4 experts en droit ont témoigné. Conclusion du président de la commission, Jerry Nadler, Donald Trump représente une menace continue pour la Constitution et notre démocratie. 3 des experts avaient été choisis par les démocrates. Si ce dont nous parlons n'est pas sujet à destitution, alors rien ne l'est. Les auteurs de la Constitution ont précisément rédigé cette procédure pour protéger le pays de cette inconduite. L'idée même qu'un président puisse demander l'aide d'un gouvernement étranger pour sa campagne de réélection les aurait horrifiés. Un président qui ne veut pas coopérer à une enquête en destitution se met au-dessus de la loi, ce qui est au cœur d'un délit passible d'une procédure de destitution. Mais le 4e expert en droit choisi par les Républicains a déploré le manque de preuves directes contre le président Trump et la précipitation des démocrates. En 2019, dans les actualités, il est question des pères fondateurs des États-Unis, de ceux qui ont rédigé la Constitution en 1787. François Vergniaud de Chantal, ce rappel des origines des États-Unis, de ce texte fondamental qu'est la Constitution, je ne veux pas dire que c'est une arme politique, parce que, tel que nous l'avons entendu là, ce n'est pas utilisé comme une arme politique, mais comme une évidence. Il y a ce rappel sans cesse à ce texte qui pourtant a évolué. Vous avez évoquer le 14e amendement de 1868 qui vaut pour lui seul comme une constitution. Il y a ce jeu permanent du rappel du texte originel de 1787 et puis tout ce qui s'est construit autour. Oui, exactement. Alors c'est vrai que d'un point de vue français, c'est absolument extraordinaire, en tout cas très surprenant d'entendre des responsables politiques contemporains évoquer la figure d'homme politique de la fin du XVIIIe siècle. Je pense que si en France nous essayons de parler des grands révolutionnaires de la fin du XVIIIe siècle, on aurait sans doute des surprises sur les connaissances de nos responsables et surtout des surprises sur les connaissances de la population de notre grande révolution nationale. Mais pour revenir au point du plus technique du 14e amendement, oui, j'ai dit tout à l'heure que c'était en fait une nouvelle constitution pour le pays, parce que ce 14e amendement crée quelque chose qui n'existait pas dans le texte du 1787. Il crée une citoyenneté commune aux Blancs et aux Noirs. À partir de 1868, si vous voulez, le pays connaît une centralisation juridique extrêmement rapide à cause de la création d'une citoyenneté commune. Alors c'est un débat qui est peut-être un petit peu technique, mais qui est très important. Constitutionnellement, ce 14e amendement rend possible ce qu'on appelle aux États-Unis l'incorporation de la Déclaration des droits, celle de 1791, et qui est constituée par les 10 premiers amendements à la Constitution. Jusqu'en 1868, cette déclaration des droits était pour l'essentiel, je vais vite et Alice Béja m'en excusera, cette déclaration était pour l'essentiel rhétorique. Mais à partir de 1868, la Cour suprême a la possibilité d'incorporer ces droits de la déclaration, c'est-à-dire que concrètement, chaque citoyen des États-Unis peut invoquer les droits du Bill of Rights partout, dans tous les États qui constituent les États-Unis. Et ce processus d'incorporation, il a été accéléré surtout dans les années 50 et dans les années 60, puisque c'est le moment où l'on parle d'une révolution des droits, qui est le label politique que l'on donne à l'incorporation des droits de la Déclaration de 1791. Et puis nous l'entendons bien depuis que nous discutons sur cette Constitution des États-Unis en 1787, dans le contexte de sa rédaction, il y avait des tensions, fédéralisme, antifédéralisme, une recherche de consensus, des filtres, un équilibre. Alice Béja, ce qui existait au moment de la rédaction de la Constitution existe encore aujourd'hui aux États-Unis. C'est-à-dire que les problèmes auxquels étaient confrontés les Américains de la fin du XVIIIe siècle sont en partie, le contexte est différent, mais les mêmes qu'aujourd'hui. Quelle est la place du fédéralisme, l'antifédéralisme, Washington qui met sa main sur les États? Ce sont des questionnements que l'on retrouve d'une autre manière, formulés différemment dans les États-Unis d'aujourd'hui. Oui, alors bon, la situation est quand même très très différente. Il est très compliqué de faire ce genre de parallèle. Ce sur quoi je voudrais revenir, suite à ce qu'a dit François Verniolle de Chantal, sur cette incorporation de la Déclaration des droits, qui est effectivement une dimension technique, mais dont il faut se rendre compte, comme il l'a dit très justement, qu'elle a des conséquences sociales massives, puisque c'est aussi par là que la Cour suprême va en venir à prendre des décisions sur des domaines extrêmement divers de la vie sociale des États-Unis. Alors évidemment, on pense à des décisions qui ont fait date sur les questions de ségrégation, mais aussi le droit à l'avortement, le port d'armes, la peine de mort, etc., etc. Il me semble qu'une des caractéristiques de la Constitution et de la Déclaration d'indépendance, encore une fois, ce sont deux textes très différents, mais dans la manière dont ils ont été dans leur héritage culturel, c'est la notion de potentialité ou d'ouverture qui fait que ces textes, entre guillemets, ont tenu, même, comme l'a dit François Verniolle de Chantal, à travers des épreuves historiques tout à fait extrêmes. Et ce qui est intéressant, c'est quand on voit la manière dont, y compris les gens qui s'opposent très fortement au gouvernement américain, enfin des États-Unis tel qu'il existe, se saisissent de ces textes pour s'en faire les héritiers. Donc on a par exemple au travers de l'histoire des États-Unis tout un tas de déclarations d'indépendance alternatives qui sont rédigées par des militantes pour les droits des femmes au 19e, des abolitionnistes jusqu'aux Black Panthers dans les années 60 qui reprennent la déclaration d'indépendance dans la conclusion de leur programme. Et donc on a cette plasticité a aussi aussi un effet sur la manière dont on proteste, la manière dont on s'empare de ces idéaux dont l'histoire a vraiment démontré les limites de manière répétée, mais qui continue à pouvoir fédérer. Et donc, où on va dire, voilà, les vrais héritiers des pères fondateurs, ce ne sont pas les personnes qui sont au pouvoir, ce sont justement les personnes qui protestent, puisque les États-Unis sont nés par la protestation, par la révolution, etc. Donc, on a une réactivation de ce mythe de la fondation qui est assez récurrente, malgré la dimension presque antithétique avec la vérité historique de la rédaction de ces textes. Oui, the people, hein, nous, le peuple. François Vergnol de Chantal, pour terminer, juste un clin d'œil. Vous évoquiez le fait qu'aujourd'hui, peut-être que les gens ne maîtrisent pas assez bien Montesquieu, ou le maîtrisent un peu moins, mais ouais, quoi qu'on pourrait être surpris. Mais vous pouvez rappeler peut-être qu'aux États-Unis, vous avez bien connu ce pays, la Constitution est quelque chose de présent, au sens où c'est un texte qui est lu et il peut y avoir des micro-reconstitutions. Ce texte est lu, celui-là, et la Déclaration d'indépendance. Vous avez raison, c'est un texte, avec la Déclaration d'indépendance, hein, c'est un texte qui est un espèce de résumé de civisme dont tous les Américains sont familiers, enfin, en tout cas c'est enseigné dans les lycées, et donc il y a une visibilité de ce moment fondateur aux États-Unis qui n'a pas effectivement son équivalent en France. Nous avons un rapport tout à fait différent avec notre révolution de la fin du 18e. Et cela est très complémentaire. Merci à vous deux, Alice Béja et François Vergnol de Chantal, de nous avoir parlé de cette Constitution des États-Unis. Je rappelle, l'impossible présidence impériale, le contrôle législatif aux États-Unis. C'est votre ouvrage, François Vergnol de Chantal. Et puis, vous, des mots pour se battre, Alice Béja, John Dos Passos, la littérature et la politique. Il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs avec son journal de l'histoire. Dans le journal de l'histoire aujourd'hui, quand l'histoire s'inscrit dans la ville, en l'occurrence, c'est Berlin. Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Le nouvel immeuble du groupe de presse Springer, signé par l'architecte Rem Koolhaas, fait sensation à Berlin. Inauguré le 6 octobre avec ses 45 mètres de hauteur et ses 52 000 mètres carrés, il peut accueillir jusqu'à 3500 personnes au travail, un pari téméraire, à l'heure d'une crise des médias qui ne faiblit pas et des interrogations sur la nécessaire réorganisation du travail en temps de pandémie. Mais le groupe Springer s'inscrit dans le paysage berlinois avec fracas depuis les années 50, lorsqu'il fait construire le siège de son groupe de presse inspiré par l'immeuble du Daily Mirror à Londres, le long du mur de Berlin côté ouest, avec l'affirmation qu'il incarnait un manifeste du monde libre, un phare de la liberté et un artefact de propagande par l'architecture. Cet immeuble clair, inauguré en 1966, semble bien modeste aujourd'hui, mais à l'époque, il narguait ostensiblement l'Allemagne de l'Est, qui devait désormais compter avec ce gratte-ciel libéral dans son horizon physique et peut-être aussi dans son horizon d'attente. Axel Springer, propriétaire du plus grand empire de presse d'Europe continentale, l'homme le plus puissant et le plus nuisible d'Allemagne fédérale au dire de ses ennemis, ne déteste pas lui aussi la provocation. Il y a 9 ans, en pleine crise de Berlin, à 4 mètres de la ligne de démarcation, il construisait ce gigantesque building, défi à Ulbricht et aux soviétiques. Axel Springer, c'est une légende humaine dans l'histoire allemande. Entrepreneur redoutable et admiré, il fait l'objet de critiques aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest. Avec une agressivité commerciale et politique sans vergogne, il tente de s'ouvrir une place sur le marché des pays de l'Est en proposant une solution de réunification directement au Kremlin. Après son échec cuisant à éteindre la guerre froide à lui tout seul, il opère un retournement radical pour militer contre la RDA et pour la réunification allemande sans ménager ses efforts, avec l'architecture encore pour arme de combat. Comme nous le rappelle Valérie Robert dans la Revue d'Allemagne et des pays de langue allemande, il fait édifier un monument à l'ombre de son siège en hommage à Reinhold Hund, abattu en 1963 alors qu'il tentait d'aller chercher sa famille de l'autre côté du mur au moyen d'un tunnel qu'il avait creusé lui-même. Mais Springer agace aussi à l'Ouest par sa position dominante et fait l'objet d'attaques régulières et particulièrement de la part des étudiants socialistes qui considèrent le groupe Springer comme une menace contre la démocratie allemande au lendemain de la tentative d'assassinat du militant marxiste Rudi Dutschke survenue après une campagne dans le Bild-Zeitung de Springer qui titrait « Qu'attend-on pour mettre à la raison un dangereux individu qui déshonore notre ville ?» Axel Springer n'aimait pas les communistes et encore moins la jeunesse chevelue et militante des années 60. Une puissance médiatique et ses dérives, évoquées directement par Heinrich Böll dans son roman « L'honneur perdu de Katharina Blum » en 1974, immédiatement adapté au cinéma, mettant en scène la destruction d'une femme ordinaire par les tabloïds, désignant sans ambiguïté le groupe d'Axel Springer. Die verlorene Ehre der Katharina Blum ist ein Film über die Gewalt, der zeigt, wie sie entstehen und wohin sie führen kann. Aber Katharina ist nicht zu helfen, mir ist noch zu helfen, sie lässt sich einfach nicht helfen. À l'Est, Springer est considéré comme une des incarnations les plus menaçantes de la force de frappe occidentale, un despote impérialiste, et l'utilisation insistante de son second prénom, César, ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Les batailles médiatiques et architecturales se multiplient de part et d'autre du mur de Berlin jusqu'à sa chute, avec un personnage incontournable, Axel Springer, mort en 1985, mais entre-temps devenu un acteur médiatique et monumental de l'histoire allemande. Merci Anaïs qui en retrouve le journal de l'histoire, celui-là et les précédents, ainsi que l'émission Le cours de l'histoire, en streaming ou en podcast. C'est sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission qui s'intéresse au mythe fondateur des États-Unis toute la semaine. Demain, la guerre de sécession. Oui, la guerre de sécession, ça c'est sûr. Mais qu'en reste-t-il aujourd'hui dans la culture politique des États-Unis ?